L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Le prochainement à l'affiche, eh bien, ça se poursuit autour de théâtre et politique pour cette 7e édition cette année 2016. Pour les dates, je vous les rappelle, du 12 au 31 mai à Cergy-Pontoise. Avec au micro Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'apostrophe. Jean-Joël, peut-être rebondir sur la précédente intervention. On a parlé effectivement avec Stéphanie du drôle de cabaret, plutôt d'un cabaret mystico-drôlatique et nourrissant, sacré, sucré, salé. Je crois savoir que cet artiste n'est pas une inconnue à l'apostrophe, puisqu'il y a un travail qui se mène depuis... elle est artiste référente dans le cadre des actions en milieu scolaire, et ça depuis de nombreuses années. Ah oui, c'est une... ça fait partie d'une des personnalités que le théâtre convoque sur des... sur des dimensions d'action culturelle auprès des lycéens, des collégiens notamment, pour faire pratiquer le théâtre et développer des projets dans le cadre de l'école. Et donc, elle a été reçue à plusieurs reprises comme artiste dans plusieurs productions, Stéphanie, et depuis plusieurs années aussi, comme elle a cette sensibilité de transmetteuse, d'assurer la transmission pour les arts de la scène, et bien elle est avec nous depuis longtemps et à ce titre, elle organise par exemple des séquences dans le cadre de Melting Pot qui lui permet de faire travailler une trentaine d'élèves tous les ans. Voilà, donc c'est vraiment une belle personnalité qui donne là avec sucré salé, c'est bien ça, toujours. Je confirme. Et avec ce spectacle, un des aspects de sa grande ouverture au monde, c'est un spectacle formidable parce qu'il est... totalement généreux, cosmopolite, tolérant, et il met vraiment le doigt sur les choses qui réunissent les êtres dans une société et qui rendent bien vaines toutes les bagarres dont nous sommes par ailleurs les témoins. On a bien compris effectivement ce regard différent porté sur la foi, sur le sacré, mais effectivement cette passion qu'elle a su nous partager au travers de ce spectacle à voir. Autre intérêt, c'est que c'est un spectacle en décentralisation, une preuve supplémentaire, s'il était nécessaire de le faire, que l'apostrophe n'est pas basée simplement sur Cergy et sur Pontoise, mais qu'elle propose des spectacles et des créations dans des communes voisine sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, en particulier à l'occasion de ce cycle théâtre et politique. Oui, ça fait partie des propositions que l'on fait à nos collègues du secteur artistique et culturel pour que des villes, des saisons culturelles, des théâtres puissent accueillir les propositions du lieu ressource qu'est la scène nationale, étant entendu que chaque lieu n'a pas les mêmes capacité physique, d'équipement, je veux dire, et que finalement c'est un moyen de prolonger la circulation des œuvres et des publics, puisqu'en même temps, à cette occasion, on voit toujours que les œuvres décentralisées accueillent des publics qui viennent d'autres villes, ce qui est l'un des moyens de mieux connaître l'endroit où l'on vit. Pour la programmation de théâtre et politique, poursuivons la découverte des spectacles qui seront proposés au public. Retour à Reims, Didier Héribon, Laurent Attat, proposé le jeudi 12 mai à 19h30 et le vendredi 13 mai à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy. J'ai lu comme ça en ouverture de dossier concernant cette pièce qu'il ne ce n'est pas du théâtre, mais un livre de sociologie de théorie critique sur la domination sociale, sur la honte sociale, en quelque sorte une forme d'acte de résistance qui a tout à fait sa place dans ce cycle théâtre et politique. Oui, c'est là véritablement profondément politique, puisque ce que raconte Didier Héribon, c'est la honte finalement dans laquelle se trouve le personnage. D'assumer sa condition sociale. Ses origines. Et sa condition sociale, oui, et ses origines, et sa famille, et donc portant culturellement une sorte de mépris sur sa famille d'origine, ne voulant pas qu'on l'assimile à un quelconque sous-prolétariat, ou ce qu'il percevait comme tel. Et donc, au moment où le personnage... apprend par la bouche de sa mère au téléphone que son père est mort. Ça va justifier son retour à la maison, si on peut dire, et va se nouer avec cette femme, sa mère, donc une relation qui est une espèce de chemin de redécouverte de ce qu'est le lien familial, et qui, enfin familial, enfin de sang, lien de sang, une multiplicité de liens qui unissent les êtres qui sont organiquement issus l'un de l'autre, en l'occurrence le fils pour la mère. Et donc cette exploration lui permet de regarder autrement sa propre différence et en même temps de relativiser son jugement extrêmement négatif qu'il avait sur sa propre famille. Mmh. On n'est pas loin du... D'ailleurs, ça se déroule globalement dans une même région de... Je ne sais pas si ça a une cause, une origine commune, mais dans le roman qu'a sorti... comment il s'appelle Didier... Pas Didier Bellegueule. Pour en finir avec... c'est le nom d'un roman qui vient de sortir il y a une année à peu près, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est devenu maintenant un intellectuel de haut rang, puisqu'il est enseignant à l'École nationale supérieure, et qui jette un regard sur son passé, notamment par rapport à son homosexualité. Donc on est dans le même type de rapport que dans le texte de Didier Ribon, où finalement on est obligé d'assumer ses origines, et quelquefois on est obligé de subir ce que cette micro-société de la famille nous fait subir, et par rapport au désir que l'on peut avoir de s'en échapper. Mmh. Donc c'est une vraie belle réflexion qui est profondément politique dans un contexte où on parle de l'abandon ou de la disparition plutôt de l'ascenseur social, par exemple. Donc toute cette problématique est posée là de manière très très douce et par l'auteur, et reprise par deux comédiens formidables. Mmh. Oui, il est question en effet de relégation des classes populaires, de reproduction des élites, des sujets qui s'invitent constamment dans nos actualités d'aujourd'hui. Une société française peu encline à nommer ses démons. C'est à voir donc avec ce spectacle Retour à Reims, les jeudis 12 mai à 19h30, le vendredi 13 mai à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, préfecture. À suivre aussi, toujours dans le même cycle théâtre et politique, le spectacle de La Justice des Poissons sur une conception écriturée et mise en scène d'Henri-Jules Julien. Là, il s'agit d'un dialogue avec une idée de philosophie politique. Oui, c'est une réflexion qui a été inspirée à Henri-Jules Julien par les écrits de Lévinas sur les villes-refuges. Donc, qu'est-ce que c'est que les villes-refuges ? C'était dans l'Antiquité... des endroits dans lesquels on parquait, pas d'autre mot, les gens qui avaient pu être des assassins par accident. Hein, et donc, il n'y avait pas une intention criminelle de la part de ces personnes. Et donc, la société considérait qu'il ne devait pas y avoir forcément une punition comparable à celle qu'on aurait pu donner à quelqu'un qui avait vraiment l'intention de tuer. Et donc, en l'isolant dans ces villes-refuges, on témoignait de la réprobation de la société, mais on témoignait aussi le fait que les hommes concernés pouvaient avoir une autre vie ailleurs, qu'ils ne soient pas sous l'emprise de l'incarcération physique. Quoi. Et donc, s'inspirant de... Lévinas a écrit un très beau texte sur ce sujet, dont s'est inspiré Henri-Jules Julien, qui a donné à lire à une... qui a donné le texte qu'il a écrit... s'inspirant de Lévinas, qui étend un peu plus la réflexion sur ce que nous vivons. Comment nous comportons-nous face au drame que nous vivons, pour être concret aujourd'hui, la guerre en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, qui se passe toujours en Irak, que sais-je. Et donc, d'avoir ce regard sur la société contemporaine, qui est confrontée à ça, et qui a plus ou moins d'empathie par rapport à ces situations. Et donc l'idée, c'est d'avoir écrit un texte qui est exploré de trois manières. et dans des langues différentes, hein, en bon français, en arabe, en l'occurrence aussi, et en anglais. Et donc ces trois versions, en fait, visent à montrer le cosmopolitisme des préoccupations, mais aussi visent à montrer comment, si l'on parle du « je » ou si l'on parle du « nous », et on n'est pas dans la même appréciation des choses. Autrement dit, un texte que l'on lit en changeant le pronom personnel peut donner des abîmes de réflexion bien différents que le texte original. Et là, c'est une superbe interprète qui s'appelle Nanda Mohammad, qui est une actrice syrienne, justement, hein, qui travaille aujourd'hui beaucoup en Égypte, qui interprète ce rôle et qui a une présence très forte. C'est un peu le texte consubstantiel à la réalité de cette actrice. Ça sera présenté le vendredi 20 mai à 19h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Tout ça en amont d'une pièce dont il a été question au cours de cette émission, « Trois songes » d'Olivier Coulon-Jablonka, donc une soirée en deux temps à vivre dans le cadre de ce cycle théâtre et politique pour cette 7e édition le vendredi 20 mai 19h30. Ensuite, eh bien, il y a un texte phare du répertoire, Richard III de Shakespeare, qui va faire écho au texte d'un auteur contemporain, Les Époux, de David Lescaut. Deux œuvres autour des figures du pouvoir. Comment avoir eu l'idée de réunir ces deux propositions, Richard III, d'après donc, William Shakespeare, mais sur une création et mise en scène de Jean Lambert Wilde, qui nous propose un Richard III revisité. Oui, parce que Jean Lambert Wilde est un ancien directeur du Centre dramatique de Caen, il est maintenant directeur du Centre dramatique de Limoges, et c'est quelqu'un qui a une approche du théâtre qui est assez singulière, en cela qu'il... Il le réfléchit, le pratique autour de sa propre personne comme point pivot central de l'interprétation des textes dont il se saisit quand il n'écrit pas des textes spécialement pour lui ou quand il ne s'agit pas forcément de ne pas écrire de texte. Parce que quelquefois, il a fait des spectacles qui étaient des spectacles muets, qui étaient quelque chose apparentant au mime. Voilà. Et avec des jeux de figuration, et c'est là où intervient son originalité aussi, sur des projections, des mises en abîme, avec des flous qui sont opérés sur les images qui sont... proposé sur le plateau. Et là, il fait une version de Richard III, où il est le Richard III, mais il est tous les autres personnages, à l'exception d'une comédienne qui est avec lui, qui est un personnage qui représente les personnages féminins. Et donc, à eux deux, il représente les 13 ou 14 rôles de la pièce. Richard III est un assassin, hein, est un personnage qui veut absolument conquérir le pouvoir. Et donc, Shakespeare raconte les assassinats successifs que fait ce monarque et qui finit par séduction, mais aussi par pure méchanceté et par volonté de mettre le monde à sa main, eh bien, réalise toute une série de meurtres épouvantables. Et donc là, Jean Lambertville traite le sujet avec une espèce de décor un petit peu à la, comme dans les foires, les décors des trains fantômes, par exemple. Mm-hmm. On est face à un décor comme ça, d'où apparaissent, hein, comme ça, les figures de Richard III qui, dans des attitudes qui peuvent être totalement caricaturales. Lui-même, lui-même un personnage clownesque. Dans la dimension clownesque, en effet. Et donc, il joue ce côté battleur et pour mettre en abîme et en profondeur, à la fois la stupidité des choses et en même temps la cruauté de ce personnage, en convoquant ce qui n'a jamais été fait, à ma connaissance, autour d'une pièce comme ça, en convoquant des outils de la dramaturgie qui sont très très peu utilisés. On le voit apparaître dans des fenêtres, il y a beaucoup d'utilisation sur l'image, mm-hmm. hein, il y a des projections, il y a toute une série de mises en perspective des décors que traite la pièce. Et c'est un objet totalement singulier qui, quelque part, est autre chose que Richard III. Évidemment, on parle de Richard III, mais quelque part, c'est autre chose. Ça sera présenté au public le mardi 24 mai à 20h30 et le jeudi 26 mai à 19h. Le jeudi 26 mai, d'ailleurs, c'est la nuit du théâtre. Les deux spectacles dont il est question, Richard III et Les Époux, seront présentés à l'occasion de cette soirée pour deux spectacles. Venons-en, on parlait de pouvoir et le pouvoir qui peut se traduire par de la cruauté. Ben, c'est vrai que là, les personnages de la pièce suivante, Les Époux, qui nous resituent dans la Roumanie du XXe siècle avec un célèbre couple qui, hélas, a fortement fait vivre défrayé la chronique. La famille Ceausescu, c'est bien Ceausescu, ça. Ceausescu, oui. Oui, donc, enfin, on a réuni ces deux spectacles parce qu'en effet, ils se répondent d'une certaine façon, puisque même si c'est il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années maintenant, c'est 89, ça fait donc 25 ans. La famille Ceausescu, c'est quand même une aventure et une histoire contemporaine, et donc qui illustre la cupidité et la volonté de rassembler tous les instruments et tous les atours du pouvoir avec un double langage appuyé sur une élection démocratique. Le couple Ceausescu s'est véritablement emparé de tous les leviers du pouvoir et a massacré, il n'y a pas d'autre terme, sa population, se fichant comme d'une guigne de la pauvreté dans laquelle vivaient la plupart des habitants de la Roumanie de l'époque. Et là, c'est vrai qu'il y a une mise en écho qui est tout à fait intéressante, même si il y a une dimension un peu épique dans Richard III qui a disparu dans Les Époux. Mais par contre, la dimension du fond reste tout à fait prégnante et présente, et nous dit bien que les aspects de la cruauté, de la malversation, de la corruption du pouvoir prennent des formes les plus variées possibles. On rappelle pour nos auditeurs, Richard III, donc présenté le mardi 24 mai à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Louvrés à Pontoise. Les Époux, présenté le mercredi 25 mai à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy. Et ces deux mêmes pièces présentées à l'occasion de la nuit du théâtre, une soirée de spectacle, le jeudi 26 mai à partir de 19h. Au Théâtre des Louvrets à Pontoise. D'ailleurs, à cette occasion, un tarif privilégié pour les spectateurs allant voir les deux spectacles le 26 mai sera proposé. Oui, l'un est au Théâtre des Louvrets, après il faut se déplacer au Théâtre des Arts pour voir le second. Voilà, on a bien compris. C'est du 12 au 31 mai pour Théâtre et Politique à Cergy-Pontoise pour cette 7e édition. Juste d'un mot, bref. Pourquoi ce programme, pourquoi cet événement, théâtre et politique, dans la programmation d'une scène nationale comme celle de l'apostrophe ? Parce que c'est un théâtre public qui se doit de saisir l'ensemble des problématiques qui agitent la société. Donc quand on parle de théâtre et politique, on sépare bien les deux, hein, et on dit bien qu'il y a d'un côté le théâtre, de l'autre la politique, mais que la politique peut être saisie par le théâtre pour rendre plus lisibles peut-être les enjeux sociaux et politiques que vit une société et que vivent les individus dans une société. Donc ça fait véritablement partie de la mission d'un théâtre public de poser cela sur la table, sans oublier évidemment que c'est au travers tout cela des prismes des artistes qui eux-mêmes sont les porteurs de ces sujets qui sont plus ou moins en correspondance étroite avec le réel d'aujourd'hui. Merci Jean-Joël Le Chapelain. C'est moi. Juste une information, vous pouvez déjà noter sur vos agendas que la soirée de présentation 2016-2017 de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, aura lieu le vendredi 10 juin prochain à 19h30 à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise.